C'est la compétition de patinage de vitesse sur courte piste qui se déroule en fin de semaine en Asie. On en parle avec notre collaborateur François-Olivier Robert. Salut François. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien François. C'est la première manche de l'Asie, donc sur le périple asiatique. Et normalement, c'est très populaire là-bas, ce qu'on me dit. Oui, ben oui, donc nos Canadiens, nos Québécois étaient à Calgary, Salt Lake City, puis là, ils sont arrivés à Shanghai. OK. Puis la semaine prochaine, c'est la Corée. Puis on le sait, le patinage de vitesse sur courte piste a toujours été populaire au Canada, puis de plus en plus populaire partout, mais en Asie, ça fait un bout, là, la Chine, la Corée, c'est d'excellents pays. D'ailleurs, c'est la Corée en ce moment, la Corée du Sud, qui mène au compte des médailles, là, qui ont eu 16 médailles en deux Coupes du Monde cette saison. Donc, c'est très populaire. Puis, il y a des anecdotes là, qu'on entend souvent, là, du genre, les patineurs, ils peuvent se promener dans la rue en Corée, puis se faire reconnaître, se faire montrer des photos d'eux qu'ils ont jamais vues par des fans qui Ah veulent les oui. faire signer, puis des choses comme ça, là. C'est vraiment populaire là-bas. Puis, c'est une belle pratique, là. Cette semaine, c'est la Chine, mais la semaine prochaine, en Corée du Sud, c'est une pratique un peu pour les Olympiques de 2018. Fait que, qu'on comprend l'ambiance là-bas, y être, avoir les sensations de la place. C'est une compétition importante pour les athlètes, le côté émotif, là. C'est sûr qu'ils veulent se sentir bien en Corée du Sud à un an des Olympiques. OK, ben oui, c'est ça. Puis c'est l'objectif d'ailleurs, là. Oui, totalement, totalement. Là, c'est à un an des Jeux, c'est toujours de se sentir bien là-bas. Puis ça va vite, hein, parce Ben que oui. là, c'est deux coupes du monde. Puis déjà en janvier, on revient avec les championnats canadiens qui mènent aux autres coupes du monde. Puis après ça, au mois d'août, c'est les sélections olympiques. Donc les athlètes sont vraiment en mode pré-olympique dans tous les sports, mais d'autres des sports plus que d'autres. Donc en courte piste, là, c'est vraiment intense en ce moment. Là, c'est la saison, tu sais, toujours les athlètes patinant de vitesse, là, avril habituellement, c'est le mois relax de l'année, là, le seul mois sur 12 où les athlètes se reposent, mais les patinants courte piste se reposeront pas beaucoup cette année. Là. C'est vraiment une grosse saison jusqu'au mois d'août, puis ils se reposeront un petit peu justement après les sélections olympiques. Là. Fait qu'en ce moment, c'est des grosses compétitions où ils veulent être bons pour leur confiance. Mais ils veulent aussi pratiquer des trucs aussi, tu sais, comme Marianne cette année qui disait être plus agressive, avoir des nouveaux plans de course. Puis jusqu'à présent, ça marche très bien. Là. Elle a eu 3 médailles en 4 courses. Samuel Girard, la même chose. Samuel Girard qui était encore très jeune, mais qui veut s'imposer de plus en plus là, comme un des leaders du peloton. Puis ce qu'il fait très, très bien cette année, lui aussi avec 3 médailles en 4 courses. OK. Donc, ça devrait être Cassandra Bredette également qu'il faudrait surveiller. J'ai parlé à Cassandra le 2 semaines, puis elle me disait que, bon, elle, ce qu'elle vise, maintenant, c'est de gagner des courses. C'est pas rien que de se classer 4e, 5e, c'est de gagner carrément des courses. Ben, c'est super, parce que officiellement, quand on lit le communiqué de Patinage de vitesse Canada, elle a dit qu'elle veut faire la finale A. C'est parfait, parce qu'une fois qu'on est en finale, on sait très bien qu'une fois là, l'objectif de tout le monde, c'est de gagner la course. Fait que c'est super que Cassandra dise ça, parce que on pense aussi qu'elle est rendue là. Puis même chose, toute l'équipe, en fait, là, quand on est un Québécois sur l'équipe nationale en Coupe du Monde, on le sait qu'on est capable d'aller chercher une médaille. Donc Valérie Maltais, même chose, Marie-Ève Drolet, même chose. Tu sais, c'est des filles qui vont peut-être pas dire officiellement qu'elles visent les médailles, mais une fois rendues là, une fois qu'on vise la finale là, c'est des filles qui sont capables de monter sur le podium, puis on va le voir, on l'a vu cette année, puis on va le revoir à plusieurs reprises cette année aussi. OK. Le décalage horaire, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération? Je sais que l'équipe est là depuis quoi, 4-5 jours? Ah, Donc, plus que ça, ça devrait ouais, être. au moins une semaine, je pense que ça fait déjà une semaine. Oui, ça prend en considération, mais c'est des pros, hein, tu sais, ils sont habitués de le faire, ils voyagent beaucoup, puis leur vie est axée autour de ça. Donc, je pense pas, ça prend en considération dans le sens que c'est à prendre au sérieux, mais c'est pas, je pense pas que ça peut être utilisé là, comme excuse en fin de semaine, tu sais, ils sont habitués, ils vont dealer avec, là, mais c'est sûr que ça peut influencer des performances un peu là, parce que c'est quand même majeur là, t'sais, c'est le jour puis la nuit qui sont inversés là. C'est pas juste un 2-3 heures ou même une heure là. C'est vraiment le jour puis la nuit qui s'inverse quand on est en Asie. Donc c'est majeur, mais c'est leur vie, hein, c'est des pros puis ils vont s'adapter. Mais on dit que c'est 1 heure par jour hein, qu'on prend, donc ouais. Donc, j'attends ça aussi, mais tu sais, une an par jour, mais dans leur cas, c'est, ils le font souvent, puis leur vie tourne autour de ça. Mmh. Hein, ils s'entraînent tellement que souvent les athlètes, ça va un peu plus vite. D'autres, certains plus que d'autres. Là. Ben mais oui. C'est sûr que c'est une bonne question. Là. C'est vraiment. Des fois, on n'y pense pas trop. Là. On voit qu'ils voyagent partout dans le monde, puis on n'a pas ça en arrière de la tête, mais c'est majeur. C'est quand même quelque chose de gros, voyager autour du monde comme ça. OK, OK. Puis, tu sais, c'est pas juste le décalage horaire, c'est aussi le fait qu'il faut se rendre là-bas. Là. Des fois, ça peut prendre presque une journée de se rendre dans les pays, parce que une fois rendu. Là c'est à Shanghai, c'est bien, là, mais des fois, sont dans des places pas mal plus perdues que ça. Puis, tu te rends à Shanghai, mais après ça, il faut que tu aies d'autres avions, puis tu le quittes. Là, Shanghai, c'est le voyage a dû être pas si pénible, au moins, là, c'est toujours ça. C'est-tu une patinoire ultra rapide? Non, je pense pas. Non, comme on disait là, quand à l'automne, les patinoires ultra rapides, c'est vraiment Calgary puis Salt Lake City, à cause de l'altitude. Les autres, tu sais, Shanghai, c'est pas une ville en altitude là, donc c'est pas une patinoire ultra rapide. Là. C'est peut-être que la glace va être belle, puis la glace va être vite, sans doute, là, c'est une Coupe du Monde, mais c'est pas là qu'on va aller établir là, des records du monde, puis c'est pas là que la vitesse va nous causer des problèmes. Là. Ok, ok. Ben, on se reparle la semaine mardi prochain. Lundi, je suis en congé. Mardi, on se reparle. Parfait, je vais être là. Notre spécialiste de patinage de vitesse sur Côte-à-Piste, François-Olivier Robert.